3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Sub no. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Sans qu'on parle des New York Knicks. Et Aurich, accompagné de Joanie. Et oui, nous revoilà, comme vous le savez, hein, pas toujours, pas une semaine, mais cette fois c'est Seb qui nous lance le petit jingle. Petit changement de décor, on enregistre un dimanche soir plutôt qu'un lundi midi, on change un petit peu nos habitudes, mais on est là pour un nouvel épisode de Have a Knicks Week. Voilà, décortiquer l'actualité des Orange and Blue en francophone pendant allez, 3/4 d'heure, 1 heure, et ben, c'est encore avec nous sur KNF TV. Bon, une semaine qui vient de se passer un petit peu compliquée, hein. Mais ouais, ça arrive, ça arrive. Bon, on va essayer. Vous voulez gagner de l'oseille. Vous savez qui suivre pour les paris. Hein. Écoutez mes pronos. Hein, vous ne serez pas loin de la vérité. Voilà, et si vous voulez éviter d'en perdre, bah écoutez pas les miens. Hein. Allez, on perd pas plus de temps, il y a encore beaucoup de choses à se dire sur ce nouvel épisode. Épisode 136, je crois bien. KNF TV, c'est parti. Let's go. Et oui, une semaine passée, pas de mauvaises nouvelles cette semaine. Quoique, un petit peu mal à l'épaule, là. On va en parler, on va en parler. Mais non, les Knicks, bah, qui ont encore une fois crevé l'écran. Où ça? Avec Nike, ouais, la petite marque au Swoosh, qui nous a sorti un petit spot publicitaire pour annoncer la nouvelle collaboration avec Kiss et le City Edition. Cette saison, eh ben, c'est qui? C'est Kiss? C'est Jada Kiss, oui, oui, le rappeur de New York, de Yonkers, dans le Bronx, qui s'associe avec Josh Hart pour un petit spot publicitaire plutôt sympathique. Voilà, où Josh Hart est presque prêt à renverser quoi, un cycliste, un passant. Aïe, aïe, aïe, voilà, des drives hors de contrôle, un petit peu d'humour, un petit spot bien new-yorkais, plutôt sympathique. Voilà, ça nous permettait de lancer la semaine sous de bons signes, on pensait, en tout cas, on pensait. La semaine dernière, eh ben, on attendait des nouvelles de Jalen Brunson, qui était blessé. Finalement, il est revenu plus vite que prévu, et tant mieux pour nous. Et puis, bien sûr, on suit un petit peu, comme tout le monde et tous les fans français, en mode fil rouge, cette saison, la saison de Gershon Yabusele, le capitaine, le Yabou, le Gersh. Est-ce qu'il a passé une bonne semaine avec les Knicks? Coup-ci, coup-ça, il y a du mieux, il joue, est-ce qu'il performe? C'est différent, c'est varié d'un match à l'autre. La semaine d'avant, il y avait son agent, Olivier Mazet, qui s'était exprimé par médias interposés au travers des micros de RMC, RMC Sport, en disant que oui, il y avait eu rencontre avec Léon Rose pour discuter de la situation de Gershon. Situation compliquée, intégration compliquée, pas des débuts comme on aurait espéré dans le camp Gershon, et puis aussi pour les fans français, les fans des Knicks, s'attendaient à un plus grand rôle de la part de Gershon. Visiblement, voilà, ça a discuté. Léon Rose est proche de Olivier Mazet, le manager de Gershon, également manager de Modiawara. C'est donc Modiawara, on l'a un petit peu vu cette semaine d'ailleurs, lui. Et donc joué. Un petit peu. Les deux ont joué, donc s'il faut que les agents aillent voir le président pour obtenir des minutes de temps de jeu, eh ben, on espère que l'agent de Pacôme prendra bientôt un vol direct pour New York pour aller discuter de tout ça. Mais voilà, bon, le cas Gershon fait beaucoup parler chez nous dans l'Hexagone, plutôt chez nous d'ailleurs dans l'Hexagone que je pense aux États-Unis, en tout cas. Oui. Au regard de ce que peuvent évoquer les médias, les réseaux sociaux américains, le cas Gershon n'est pas vraiment un cas qui préoccupe sur l'actualité des Knicks. Mais vous, nous, bons Français, bons Gaulois que nous sommes, n'est-ce pas, Choubix? Qu'est-ce qu'on pense de cette semaine de Gershon? Il y a du mieux, c'est toujours timide. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette semaine au global? Il y a de l'amélioration, il joue en 4. Eh oui, eh oui. Il joue pas que en relais de Mitchell Robinson, il joue pas que en relais de Karl Anthony Towns, on l'a vu associé un petit peu avec. Ouais. Et un petit peu, à chaque fois qu'il est rentré, il était associé à 4. Jamais à Mitch, toujours avec Towns. Alors, Je suis pas sûr que ça soit la paire d'intérieur la plus complémentaire et surtout défensivement parlant. Offensivement, pourquoi pas, mais défensivement, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit le mieux. Mais déjà, il a joué à son poste. Donc, il y a quand même du mieux. Au moins, il a plaidé. Son agent a plaidé à sa cause. Et du coup, on a vu aussi Modi Awara. Alors, c'est pas pareil. On en attend beaucoup. On entend pas la même chose. On entend pas du tout la même chose. Même au niveau du jeu, c'est quand même plus brouillon. Mais ce que je remarque tout de même, c'est que Modi Awara est un second tour, il était à loin, 50 et quelques, je crois. Ouais, 52, hein. Ouais. Donc fin de second. Fin de round. Quid de. Pas comme Dadier qui a un premier choix. Ouais. Du coup, Modi Awara prend ses minutes parce qu'ils sont quasiment au même poste, les deux. Ouais, c'est des postes déliés, liés 3-4, quoi. Donc, il y en a un qui a peut-être plus la confiance que l'autre. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a. Si tu veux, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que même si c'était une à deux minutes qui. Mais si tu veux, ouais. Je pense que ça permettait à Diawara de rentrer, de voir un peu, de prendre un peu la température d'un match NBA, même si c'est pas pour longtemps. Mais au moins, tu sais, le coach dit, ok, je sais que t'es là. Je te jauge par rapport à des trucs ou quoi. Dadier, aux abonnés absents. Aux abonnés absents. Éventuellement du garbage time. Hein, voilà, pas quand ça compte. Donc pour nos Français, mieux pour Gershon. Au moins il joue en 4. Après, est-ce qu'il apporte de façon statistique? Pour l'instant, ça reste entre guillemets anecdotique. Un peu. C'est lui tout de même qui avait le meilleur plus-minus à l'issue du match face aux Mavs, qui est la seule victoire de la semaine. Oui. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas non plus sur un gros temps de jeu, c'est pas une grosse production offensive. Voilà, c'est toujours un peu compliqué les shoots, l'adresse en ce moment pour Gershon. Moi, on espère que la confiance voir, va revenir. Je préférerais le voir associé à Mitchell Robinson, personnellement. Ah oui, d'accord. Okay. Moi, en tout cas, je militais, j'étais plutôt favorable de le voir à son poste 4, qui est plutôt son poste de prédilection en NBA, qu'un poste de 5. Même si on sait que la notion de poste, c'est quand même très discutable aujourd'hui en NBA, on n'a pas non plus l'impression une très grande facilité de Gershon au poste 5, en mode small ball, sur des courtes séquences, pourquoi pas, mais ouais, ça lui convient pas. En tout cas, dans le système Mike Brown. Avec Karl Anthony Towns, les deux se trouvent un petit peu. Il y a la capacité de shooter de loin des deux, même si c'est compliqué en termes de pourcentage pour les deux. Mais en tout cas, il faut que Mike Brown se fasse à l'idée qu'il peut aussi utiliser Gershon en poste 4, d'autant plus qu'en ce moment, OG Anunoby est sur la touche et à l'infirmerie. Donc autant en profiter plutôt que d'insister éperdument avec Gershon, c'est le backup de Mitch, quoi. Non, c'est pas le même profil. Quoi. Même si il va vouloir apporter de la défense, on n'a pas la même verticalité, on n'a pas la même protection du cercle avec Gershon qui est quand même plus petit comme intérieur. Quoi. Donc, l'association avec 4, moi, ne me déplaît pas trop. Après, avec Mitch, on sait que le jeu offensif de Mitch, c'est assez limité, c'est très proche du cercle, sinon rien. Quoi. Donc, une semaine où on voit un semblant d'éclaircie. Après, est-ce que ça va durer? C'est surtout ça la question. Quand OG va revenir, et on espère qu'il reviendra, parce qu'il manque aujourd'hui Onyx. Ça s'est vu en tout cas cette semaine. Quid de Gershon? Est-ce que ces minutes vont encore disparaître? C'est ça la question, quoi. C'est ça la question. On n'a pas les réponses. On sera là en tout cas pour essayer de voir comment sa situation évolue. Bon, et au global, ces Knicks, est-ce qu'ils ont passé une bonne semaine? C'était des matchs à l'extérieur. On sait qu'en ce début de saison, ça leur sourit pas des masses. On était à la recherche de la toute première victoire à l'extérieur. Est-ce qu'elle allait arriver en Floride ou est-ce qu'elle allait arriver dans le Texas? Elle est arrivée dans le Texas. Et on a eu qu'une cette semaine. Alors bon, Brunson était absent pour le début de la semaine. Il est revenu pour le Texas. Il est revenu pour Dallas. C'est un coin qu'il doit avoir un peu encore dans son cœur. Donc heureusement, on a eu un retour de Jalen Brunson. Sinon, la semaine aurait été compliquée. Ceci dit, son retour n'est pas non plus suffisant pour passer une semaine dans le positif. Et puis au rayon du négatif, il y a de la blessure. Il y a de la blessure. Il y a surtout Landry Shamet qui s'est blessé dans la nuit justement de samedi à dimanche. face au Magic en Floride. Et malheureusement, une blessure qui nous rappelle ce qui s'est passé la saison dernière, une dislocation de l'épaule. Alors, je ne sais pas si on a eu pour l'instant plus d'éléments de la part des staffs médicaux. J'ai regardé, pour l'instant, il n'y a rien qui est tombé là. Les Knicks sont rarement les tout premiers à donner tout un tas d'infos. C'est souvent un peu secret de polichinelle ce qui se passe suite à des blessures. Mais en tout cas, c'était pas beau à voir. Ça sent encore la dislocation de l'épaule qu'il a déjà eue et sur lequel il n'avait pas eu d'opération la saison dernière, préférant une rééducation entre guillemets douce pour pouvoir espérer revenir dans la saison. Et c'est ce qui s'était passé. Les Knicks avaient patienté, lui avaient conservé une sorte de strapontin pour pouvoir intégrer un contrat garanti. C'était un acteur en forme d'Enix en sortie de banc, voire même dans le starting five. Mike Brown lui faisait confiance en ce moment avec l'absence d'OG Anunoby. L'absence longue à prévoir pour Landry Shamet, ça va être un coup dur pour l'Enix d'après toi, Seb? Ouais, c'était quand même une personne, un joueur sur qui il comptait beaucoup. On l'avait vu, hein, il avait quand même du gros temps de jeu, il lui rendait plutôt pas mal. En l'absence d'Oji et de Juice, c'était lui qui était starter, puisque du coup, t'avais Mitch, Kat, Mikal, Shamet, qui était starter. Donc, c'est quand même, on l'avait vu, hein, c'est quand même quelqu'un très important dans le système Mike Brown, offensivement, je pense. Et ouais, là, cette blessure, elle est moche et forcément, elle nous rappelle celle de l'année dernière en pré-saison. Après, l'Enix l'avait quand même fait signer, mais il était revenu tard. Il était revenu en février-mars. Hein, ouais. Ça avait pris du temps pour retrouver la compétition. Et là, c'est ça. Et là, il le sent tout de suite, en fait. Je veux dire, il suit son mec, il prend le bloc. Et là tout de suite il se tient l'épaule et il court au vestiaire quoi. L'épaule est tombée et c'est une blessure qu'il a connue en plus quoi, il n'y a pas longtemps. Donc, moche et c'était un mec important dans le système Brown. À voir comment ça va se passer. Je pense que désormais Juice McBride aura encore plus. Je pense qu'il aura une quarantaine de tickets shoot pour le coup maintenant vu qu'il en prenait 20. Vu qu'il en prenait 25, désormais il en prendra 40, il prendra les ceux de Shamet. Non, c'est chiant quoi. Voilà, non mais en fait si tu veux c'est dommage parce que on avait ce mec un peu attachant qui était en train de faire quelque chose et puis là il est rattrapé sur cette blessure là et voilà Michael Carter c'est Michael Carter non c'est comment il s'appelle, c'est Wendell Carter. Wendell Carter Jr. Ouais. Ouais, après avoir blessé JB au Garden, il blesse Shamet chez lui. Il a décidé. Ça joue physique. Ça joue physique le Magic. On les rejoint encore quand le Magic là. Au mois de décembre. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est notre prochaine KNF Viewing Party. Belle transition, Seb. On peut pas envoyer l'équipe G-League pour les jouer parce que j'ai pas envie qu'ils nous reblessent. Ouais, ou faudrait pour le coup qu'on rappelle les Charles Oakley et compagnie. Hein, vraiment des gros gaillards, des gros durs hein, qui sont prêts à envoyer des pains. Ah, des mecs des qui vont. Ils vont comme ça, ils vont traverser le bloc. Non, mais c'est un coup dur. Ça fait quand même pas mal de soucis de santé en ce début de saison. On n'est pas sur des problématiques de rotation longue. Là, c'est des faits de jeu qui arrivent et ça arrive très tôt dans la rencontre pour Landry. Landry Shamet qui s'était illustré la semaine dernière. On l'avait élu d'ailleurs joueur de la semaine. Là, cette semaine, il s'est encore illustré dans la rencontre face à Dallas. On va en parler tout à l'heure. Donc non, c'est un élément important du dispositif, capable aussi d'apporter ses contributions offensives avec des coups de chaud et de la reste longue distance plutôt intéressante. On sait que Mike Brown privilégie beaucoup plus de tirs à 3 points, beaucoup plus de tirs dans le corner. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour comprendre un petit peu l'évolution du jeu d'Enix sous l'ère Mike Brown, même si pour l'instant il y a à peine une douzaine de matchs, hein, on prendra le temps de faire des synthèses et des études plus approfondies lorsqu'on sera arrivé aux alentours de la mi-saison. Mais il y a de très bons podcasts qui sont à écouter. Alors il y a QI Basket qui a sorti un épisode la semaine dernière. Et puis il y a 2 semaines de ça, Dreamcast Show, qu'on dédicace et qu'on salue au passage, qui avait fait aussi une très très belle analyse du nouveau jeu offensif d'Enix. Donc voilà, donc si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qui est la stratégie mise en place par Mike Brand et son jeu offensif, parce que c'est surtout sur la partie offensive qu'on se penche quand on pense à ce début de saison d'Enix, et ben voilà, allez voir sur ces deux podcasts, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, donc l'Enix, semaine compliquée, retour de Jalen Brunson, heureusement, une blessure finalement à la cheville qui était plutôt mineure, et tant mieux. OG Anunoby, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles. C'est jamais très rassurant avec OG parce qu'on sait qu'il a certaines fragilités aussi. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup côté new-yorkais dans une début de saison où on cherche une philosophie de jeu offensive qui a l'air plutôt de prendre, mais défensivement, c'est autre chose. Et puis il y a certains joueurs, je pense en l'occurrence à Karl-Anthony Towns, qui a des performances un petit peu en dents de scie. Là-dessus, on sait que défensivement, ça n'a jamais été un cadre, mais offensivement, voilà, il y a des trous d'air par moment de la part du CAT, assez inquiétant. Lui-même se disait en début de saison pas trop savoir quel positionnement allait-il avoir dans le jeu offensif de Mike Brown. Bon, semble-t-il, il a quand même sa place, mais voilà, des problèmes d'adresse qui sont pénalisants pour l'attaque d'Enix. Et on le sait et on l'a vu, quand on score pas beaucoup, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué d'aller remporter des rencontres, surtout qu'on encaisse pas mal de points. Donc là-dessus. Moi, je vais te dire. L'équilibre offensif-défensif, comment tu le trouves? Ben, moi, je sais pas si on peut. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je sais pas si on peut espérer grand-chose quand on a un axe 1-5 aussi faible défensivement. Ouais. Ça t'expose à deux niveaux. Alors, quand on parle de 1-5, on parle de JB et de 4. Ouais. On ne parle pas de JB et Mitch. Mitchell Robinson, non. Il fait sa vingtaine de minutes. Voilà, il produit ce qu'il peut produire et il le fait plutôt bien dans son registre. Mais on parle surtout de deux joueurs qui, défensivement, sont souvent exposés, souvent ciblés. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Quoi. Alors après, on va peut-être me sortir. Ben, regarde Denver avec, avec Jokic Murray. Bon, après, on parle de Jokic. Ben. Un mec qui tourne un triple-double avec un QI basket plus important que la galaxie. Donc, si tu veux, bon, je pense. Mais c'est un exemple. Je sais pas si on peut en avoir d'autres comme ça. Mais que quand tu as tes deux meilleurs joueurs qui sont, on va dire, aussi faibles défensivement, on le voit, c'est quand même tout de suite plus compliqué. En plus, si on perd notre meilleur défenseur. Donc, et comme je me débarrasse pas, et comme je traderai jamais Jalen Brunson, bon, bah du coup, je vous la porte à un départ, mais je pense pas qu'il y ait de... S'il doit y avoir une restructuration d'effectifs, je la vois pas cette saison, ou alors, c'est que t'as Giannis Antetokounmpo qui est dispo, et tu sautes sur l'occasion, sinon... Ouais, mais c'est plutôt quelque chose qui pourrait s'envisager si ça doit se faire... À l'été prochain, quoi. Voilà. À part, comme tu dis, si Giannis, là, en janvier, toi, en Noël, janvier, ils sont 11e bilan, ils prennent rousse sur rousse, le mec, il en a ras le cul, il décide de claquer la porte, il demande son trade. Là, je comprendrais que les Knicks bougent pour Giannis. Hormis ça, si cette année, tu dois faire les playoffs, imaginons le scénario où tu sors misérablement, ben, allez, Orlando va remonter. Tu joues Orlando, tu joues Détroit et tu te perds au premier tour. Je dis ça, bon, on va début décembre. Voilà. Mais, on en est encore très loin. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il faudra quand même se pencher sur certains aspects et voir certains trucs. Pour moi, Kat, c'est un mouvement, je dirais pas comme des fois j'ai entendu sur certains, un panic move, parce qu'on a Hartenstein qui est parti. On a Mitchell Robinson qui était absent pour blessure et il nous fallait absolument un pivot. On fait venir 4, on re-signe un peu en catastrophe à Chua. Non, puis il y a l'opportunité Minnesota. Je pense qu'on le fait pas si Hartenstein reste. C'est mon avis. Il y avait l'opportunité de tourner la page Julius Randle. Julius Randle n'avait pas été prolongé, donc voilà, il y avait aussi un besoin côté financier, côté Minnesota, donc Les partenaires étaient tout Quand de tu suite vois trouvés. le mec, le prix que tu payes pour le rendement. Alors, ok, l'année dernière, il a été All-Star en NBA. Mais fin, moi, je sais pas de m'arrêter qu'aux stats pures, quoi. Parce que dans ces cas-là, tu regardes le match d'hier contre le Magic, bah, tu dis, ok, bah, attends, Towns, Ouais. 37 minutes, 24 points, 8 rebonds, 3 assists. Ça va. Ça va. Bah, disons que c'est des stats très honnêtes. Tu dis Après, est-ce que c'est ben, des stats qui font mais un salaire à 50 millions de dollars ou plus? il va être. T'as vu son salaire en fin de contrat, il sera combien? Ça va être, c'est indécent. Bah, il Non. a signé dans un petit marché, et voilà, c'est aussi Mais la façon de faire des petits marchés, de surpayer certains joueurs pour les garder. donc non, après avoir, il nous manque, voilà. Dans le match d'hier, on le fait sans McBride, Shamet qui se pète très tôt, sans OG Anunoby, c'est quand même donc trois personnes importantes du dispositif qui ne sont pas là. Modiawara est très gentil, mais très compliqué pour lui. Il a pris des fautes, tu Oui. vois. Hier, les arbitres aussi n'ont pas forcément aidé. J'aime pas trop parler des arbitres, mais des fois, je les ai trouvés assez rapides sur le coup de sifflet. Ça sifflait à tout va, ça machin. Dès que ça défendait un peu, ça sifflait. Le match a été C'est des très matchs, les matchs contre le rassuré. Magic, c'est toujours des matchs physiques en fait. Ouais. Boston qui les avait affrontés au premier tour, second tour, je sais plus, des playoffs derniers, s'en était plein, hein, avait évoqué, non c'était premier tour parce que les seconds c'était nous, avait évoqué justement des matchs hein, très rugueux, voilà, à la limite. Donc on sait qu'on a une équipe en face qui est physique, qui va imposer un défi physique. Malheureusement, ça fait deux fois qu'on les rencontre, deux fois qu'on s'incline, et assez largement. Là, si on parle aussi du bilan à l'extérieur, la saison dernière, on avait surtout, on tirait sur le bilan de Thibodeau par rapport aux grosses équipes, aux équipes élites de la Ligue. Là, le problème, il n'est pas encore d'être dans des équipes élites de la Ligue, on n'y est pas encore, mais on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Et ça va être problématique, parce que même si on arrive à protéger le Garden et être quasiment invaincu au Garden, d'ailleurs, on a perdu contre qui au Garden? Contre le Magic. Et ben, il va y avoir des matchs à l'extérieur. Ça va être compliqué. Cette saison, elle ne fait que commencer. Et déjà, on a une certaine forme de difficulté à voyager. Et c'est pas fini, quoi. Donc, Donc pour peut-on l'instant, espérer aller loin si on ne gagne pas à l'extérieur? Non, non, non. disons que pour l'instant, les personnes qui ne souhaitaient pas le départ de Tom Thibodeau et qui espéraient justement Ouais. qu'il soit gardé, je pense que ça leur donne du grain Ça à donne moudre quelques arguments, en mais... mode, ah ben vous avez vu, moi je vous avais dit machin, c'était sûr. Là actuellement les Knicks ils sont à quoi? Ils sont à 9-6. Sur un 9-6, ça c'est ça? Voilà, l'année dernière on était à 9-6. Oui, bon voilà, effectivement, le bilan est L'année froidement le même. dernière, Après, le jeu a l'année évolué. dernière, voilà. Il faut, on a Fin bien conscience que le de. jeu a évolué, que l'effectif est utilisé différemment. Il n'y a pas une rotation qui s'est élargie à 10, 11, 12 joueurs. Non, quand c'est du garbage, mais ça, pour moi, ça compte pas. Voilà, quand on est sur le dispositif qui est sur un match serré et avec quel joueur doit-on faire appel, on est sur 9 joueurs, quoi. Donc on est aussi sur une rotation courte, après des minutes peut-être un peu plus équilibrées et des changements qui... 23 novembre 2024, 23 novembre 2024, tu venais de perdre contre le Utah Jazz à Utah, Ouais, et c'était moche. ce qui te porte à un bilan de 9-7. Il y a Ouais. un an, jour pour jour, et tu finis le mois de novembre à 11-8. Donc tu vois, On est sur la même trajectoire pour l'instant. On est sur les temps de passage. On est sur les temps de Sur les passage. temps de passage. Alors, est-ce que notre équipe est un diesel? Tu vois, qu'il faut, en plus de ça, on a un nouveau coach, une nouvelle La façon saison est de. longue. La saison Voilà. est longue. Voilà, là, il y a déjà des absences. En début de saison, OG n'était pas sur la touche. Lui, effectivement, avait fait un très bon début de saison. On parlait pourquoi pas d'OG All-Star. Bon, ça s'est rentré dans le rang assez vite, mais... Est-ce que tu veux avoir la. Est-ce que tu vas avoir la rotation? Donc, Knicks Jazz de l'année dernière. Je Donc, sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'avoir attends. ce vieux souvenir. Eux étaient en 4-12. Donc, nous en 9-7. La rotation. Donc, on a Josh Hart à 40, 41 minutes. Karl-Anthony Towns, 39. Jalen Brunson, 37. OG Anunobi, 36. Michael Bridges, 32. Cameron Payne, 31. Et derrière, Colec, 10. Sims, 9. Et Dadier, 3. Donc. Ouais. T'as tout dit, hein. Le banc, Colec, Dadier, Payne. Et en complément, Joe, c'est ça, tous ouais. Non, Joe, c'était pas là. Joe, c'était pas là. Et. Ouais, il était déjà pas là, tu vois. Et Uporti, Matt Ryan. Tu te rappelles de Matt Ryan? Le sauveur Matt Ryan. Le soldat. Et Jacob Toppin n'avait pas joué. Non, mais n'empêche que tu vois, t'avais une rotation qui était. T'avais une grosse rotation à 6, quoi. Et d'ailleurs, Tyler Colec a joué hier. C'est vrai. Bah, le fait que Deuce ne soit pas là, maintenant, il faut vraiment aller chercher le troisième meneur dans l'histoire. Et effectivement, c'est Tyler Colec au niveau de la hiérarchie. Mais voilà, on a un bon cette saison qui est quand même plus qualitatif. On a du Clarkson, on a Mitch aussi qui est là, ça change beaucoup de choses. Alors même s'il ne fait pas des gros temps de jeu, mais on peut compter sur lui sur une vingtaine de minutes, donc c'est quand même plutôt intéressant. Il y a Bouzélé, voilà, Chamet, Clarkson, j'oublie qui d'autre, bah, Deuce McBride. Donc on a quand même un banc qui est plus qualitatif cette saison. L'année dernière, on avait quand même beaucoup de rookies et ce n'est pas évident. Mais voilà, là, au final... Là, actuellement, tu as 10 joueurs à 10 minutes ou plus. Là, t'en as 10. Mais est-ce que ça fait gagner plus de matchs? Pas plus pour l'instant. Pour l'instant, non. Est-ce que dans le long terme, ça va au niveau des organismes? On a déjà eu plusieurs blessés. C'est peut-être ça, ouais. On a déjà eu plusieurs blessés. Mais après, d'ailleurs, sur le long terme, peut-être qu'en effet, comme tu vois, ça va peut-être les ménager. Mais disons que ouais, pour l'instant, t'as quand même une rotation plus fournie. Tu vois, hier, par exemple, tu vois, il va te chercher un Diawara pour jouer 10 minutes. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu sous Tom Thibodeau, ça. Tu vois, il aurait plus tiré, il aurait filé plus de temps de jeu au mec. Là, quand même, tu vois, ça, il va essayer, il essaie des trucs. Il essaie. Ouais. Après, est-ce que ça a porté fruit? Pas vraiment, mais il essaye des trucs. Tu vois, hier sur le match, bah, du banc, t'as Gershon à 14 minutes, Modiawara à 10, Clarkson à 34, Hart à 30, et Tyler Colec à 17. Tu vois, enfin... Et Colec n'a pas été non plus des plus catastrophiques. Il finit avec un moins 3. Bon, c'est pas le pire de tous, quoi. Donc, voilà. Certains joueurs, des fois, retombent un peu dans l'anonymat, là où on voudrait qu'ils se subliment quand il manque du monde. Tu vois, Michael Bridges, bon, là, des fois, bon, ben voilà, c'est... Michael Bridges, je pense qu'il faut pas s'attendre à avoir le rendement de son prix. Parce que son prix a été overpaid. Mais parce qu'aussi c'était un profil un peu voilà, différent. Free ND, complémentaire. Villanova. Voilà. Ouais. Les Nets sont pas cons. Ils nous ont vu arriver. On l'a payé. Bon, après, pour ce qu'ils ont fait de nos picks, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Parce que bon, ils ont recruté 4 meneurs avec nos picks. Bon, bah. 6, 12, pourquoi pas. Depuis le début, moi je l'ai dit, c'est pas la quantité de picks, c'est la qualité des picks. Bon, voilà. On leur redonne 5 si c'est des picks fin de premier tour. En sachant que nous, okay, faites ce que vous en voulez. En sachant que nous, on n'aurait pas fait plus. Donc, Non, parce que si c'est pour, tu vois, drafter un Pacôme Dadier qu'on n'utilise pas, bah oui, je préfère donner 5 Pacôme Dadier et avoir un Michael Bridges. L'utilité est quand même tout autre. Quoi, donc, Voilà, donc j'ai envie de te dire. Mais quand même, ce mec, c'est un nom. Ce mec a eu un rendement. Ce mec, à un moment donné, était la star d'une équipe. Hein, je veux dire, ça a été la pièce maîtresse, faut pas l'oublier. Ça a été la pièce maîtresse côté Phoenix. KD, quoi. Ouais, côté Phoenix, c'était, tu vois. Donc, on en attend toujours un peu plus. On se dit toujours, ce type-là, il faut qu'il tourne à 22, 24 points de moyenne. Bon, on n'est pas dans ces rendements-là. On va avoir l'occasion de parler de lui, mais effectivement, on aimerait, et il y a eu des blessures, il y a des absences, on aimerait que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'élever son niveau de jeu pour compenser un petit peu ses absences, ça vienne plutôt de Michael Bridges que d'un Landry Shamet, par exemple. Hein. Donc voilà, par contre, on sait qu'en NBA, d'un soir à l'autre, il y a des joueurs qui peuvent cartonner, qui peuvent faire des cartons offensifs, mais on préfère avoir de la régularité et avoir une augmentation de la production du garçon, même si il joue quand même beaucoup. Hein. C'est si ce n'est le plus gros temps de jeu pour l'instant sur McBrown. Donc voilà, il y a une utilisation aussi qui est des deux côtés du terrain. C'est vraiment mais si on fait un petit peu... si on fait un petit peu notre rétrospective de la semaine sur les trois matchs passés, trois matchs à l'extérieur, hein, vous le savez, les Knicks ont du mal en voyage. Ça a commencé par la Floride, on s'était imposé contre Miami à la maison, c'était plutôt rassurant, c'était pas un back-to-back, mais deux matchs en deux, trois jours face au même adversaire, ça permet de voir un petit peu quels ajustements allaient être faits. Côté Miami, il manquait toujours Tyler Herro, il manquait toujours Bam Adebayo, et bah, du coup, les Knicks allaient commencer leur semaine sans Jalen Brunson. C'est McBride hein, qui avait débuté la rencontre au poste 1. Et ben, un match accroché au final, je serais tenté de dire, parce que les Knicks ont été un peu distancés et ont refait un comeback en fin de rencontre. Là où on avait eu aussi un match en deux temps sur le match 1, enfin le précédent match du moins, face au Heat, avec un Karl Anthony Towns qui était très fort en première mi-temps et puis un Landry Shamet qui avait marché sur l'eau en seconde, bien accompagné de Clarkson ou de Hart en sortie de banc, et bien là on a encore eu du mal à retrouver un Karl Anthony Towns dominant, alors que c'est le même adversaire, c'est la même opposition. Compliqué Karl Anthony Towns d'avoir des performances régulières en ce début de saison, et même on passe des moments, voire des mi-temps, à se dire mais en fait il a pas scoré encore, qu'est-ce qu'il en est, Kat, il est malade, il y a un truc qui va pas. Alors il était gêné, il avait des bobos, hein, il avait des blessures, le garçon, en début de saison. Donc est-ce que effectivement la santé n'est pas au top et pour autant il enchaîne les matchs, mais des performances un petit peu en dents de scie aussi de sa part, qui pénalisent au final l'équipe, et un match accroché face au Heat qui va se régler dans les derniers instants, malheureusement pas par une victoire côté new-yorkaise, une défaite de 2 points. Sur quoi tu veux revenir sur ce match à Miami? Sur un beau parquet, il est joli leur parquet en mode Vice City là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match face à nos meilleurs ennemis que sont les Floridiens de Miami? Alors écoute, ce match, déjà si tu veux te donner le ton, avec Mike McBride qui prend les 5 premiers tirs, des tirs casse-croûte, c'était pénible. Je l'aime bien, mais c'était un peu pénible à le voir. Forcé, quoi. Il finit avec c'est le gars qui a pris le plus de shoots sur le match, avec 23 shoots. Je check, en effet, c'est celui qui a pris le plus de tirs, toutes les deux équipes confondues, 10 sur 23. Alors, les pourcentages ne sont pas forcément dégueux, hein, 5 sur 12 à 3 points, 10 sur 23, mais est-ce que c'est lui de prendre 23 tirs? Est-ce que c'est à Mike McBride de prendre 23 tirs? Bah, il a voulu faire un Jalen Brunson game, sauf que c'est pas Jalen Brunson. Est-ce que c'est à lui de prendre le dernier shoot ou espérer arracher quoi que ce soit? Est-ce que c'est à lui de le faire? Bon, dans les faits, Karl Anthony Towns a pris un shoot à reculons qu'il a pas mis. Un mec qui excelle dans le mid-range. Dans le mid-range. Mikal ne prend pas un shoot dans le quatrième quart-temps. Il est à 20, 23 points, je ne sais plus combien, à la fin de la rencontre. Il finit même plutôt 3 points. Bon dans son registre, mais zéro shoot dans le quatrième quart. Mec ! Pourquoi ? Le coach, le joueur qui s'efface, les coéquipiers qui ne lui passent pas le ballon. Il y a un côté, moi je l'aime bien, Mikal, j'ai envie de l'aimer en fait. Mais ce n'est pas concevable qu'un joueur starter, parce que McBride est plutôt un joueur backup, se fasse éclipser de la sorte dans un match comme ça, quoi. Il a la capacité justement avec ses longs segments, ses longs bras, et puis il shoot plutôt bien en ce moment. Incompréhensible de le voir éclipser de la sorte sur cette rencontre en fin de rencontre, parce qu'il a eu des petits passages. On l'évoquait sur une émission où il y a deux émissions précédentes en disant Mikal c'est le super lieutenant, il va pas forcément avoir des moments où il prend vraiment tout le match à son compte, mais voilà, il va pouvoir produire dans la continuité d'un match, dans la régularité d'un match, à différents moments. Mais là, quatrième carton, 0 points, 0 shoot, non, il y a un truc qui cloche. C'est pas normal, et du coup, tu te retrouves un petit peu avec cette équipe un peu hybride là, tu perds. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la constante de cette semaine de t'es au coude à coude pendant tout le match, et puis quatrième quart-temps, tu t'effondres. Ça s'est passé pour les 4 matchs. Au match contre Dallas, ça nous sourit à la fin. Mais autant ça tourne, et au match d'hier, c'est pareil, on s'effondre dans le quatrième carton. Et là c'est pareil, tu t'effondres dans le quatrième carton. Je veux dire, tu arrives quand même à un moment donné, tu vois, à passer devant, rester devant pendant un moment, et puis d'un coup, tu prends un éclat. Et comme souvent en ce moment, les équipes font des runs contre nous et on n'arrive pas à les stopper, on n'arrive pas à les arrêter. On n'a pas la défense pour faire les stops. Défensivement, c'est compliqué quand même. Ouais. C'est compliqué. On se prend pas mal de paniers en backdoor aussi. Ah ouais. Signe d'une défense qui communique pas parce que voilà, des joueurs forts en face, il peut y en avoir, de l'adresse, il peut y en avoir. Mais lorsque c'est juste mince, mon défenseur est libre dans mon dos parce que j'ai pas switché comme il fallait, parce que je suis venu en aide alors qu'il fallait pas. C'est compliqué défensivement et on le paye quoi, on le paye. Alors il y a eu le match effectivement à Dallas, Dallas qui est pas non plus dans la meilleure forme de sa vie, c'est une victoire pour les Knicks mais une victoire au forceps, on gagne de 2 points avec une action un petit peu litigieuse en fin de rencontre, un certain Landry Shamet, faute pas faute, qui provoque une faute offensive, alors oui, il y a une antenne, il enroule son défenseur, c'est Williams là, c'est un rookie d'ailleurs je crois aussi, enfin du moins un jeune joueur de la ligue. Landry Shamet qui nous met 2 paniers à 3 points à un moment voilà, qui ont pu faire pencher le destin et le succès côté Knicks. Mais il y a eu aussi un problème dans ce match-là, on n'en parle pas, et il va falloir qu'on en parle, c'est les lancers francs. On a loupé un nombre de lancers francs en fin de match. Michel Robinson, bon, on sait, il n'y a pas que lui, Donc on a joué avec le feu sur ce match à Dallas, ils n'étaient pas au complet. Ils ont des blessures, on le sait, Anthony Davis qui est toujours blessé, Kyrie Irving qui est déjà blessé, Cooper Flagg n'y était pas pour cette rencontre, donc limite heureusement pour nous, mais on le gagne, on l'aurait perdu, c'était pareil quoi. Ah mais on l'aurait perdu sur les lancers francs. Ce match est horrible d'adresse, tu l'as dit, donc au lancers francs 19 sur 35, donc 54% de réussite au lancers francs. C'est beaucoup trop peu. Beaucoup, beaucoup. Tu vois, eux font un 25 sur 30. Ils en laissent 5-2 sur la route. Bon, vaut 5, je veux dire, ça va. C'est, tu vois, c'est sur la... Là, 19 sur 35. Ouais. Et en fin de match, en fin de rencontre. Et le 12 sur 42 à 3 points. 12 sur 42. Alors, eux prennent 44 shoots à 3 points. Ils en mettent 16. Donc, tu vois, ils ont un pourcentage un peu plus élevé. 12 sur 42. Je trouvais ça incroyable. Donc, C'était le match de retour de Jalen Brunson. Bah, il a été plutôt bon dans son match. Hein. Voilà, un peu à court de. Enfin, il fallait qu'il reprenne le rythme de la compétition après deux matchs d'absence. Il a fait une belle première mi-temps, une deuxième un peu moins propre. Bah, oui. Towns à 18 points. 18 points, 14 rebonds. Alors, oui, il prend des rebonds. 18 points. Ouais, mais il y a pas le, enfin 18 points, il y a pas la saveur des 18 points marquants en fait. Quoi. Non, t'as un Josh qui a été plus saignant, qui a été un bon Josh Hart, avec 16 points, avec des bons pourcentages, 5 sur 6, 5 sur 10 au tir, 3 sur 4 à 3 points, de bonnes actions, des actions défensives. Aussi, je l'ai trouvé très bon à la passe. Il a trouvé des fois des belles passes à ses coéquipiers et tout ça. 5 passes d'ailleurs. Non, on a retrouvé le Josh Hart. On a retrouvé Josh Hart, il a eu une semaine ou une quinzaine compliquée. Depuis, il a retrouvé son rendement. Des minutes, un temps de jeu qui n'a pas vraiment trop diminué. Alors, il est plus sur les 30-40 minutes avec Tom Thibodeau. Il est plutôt sur la trentaine, 25-30. Mais voilà, on a retrouvé un Josh Hart qui retrouve ses sensations, les connexions avec les joueurs. Mais tu vois, Landry Shamet, dans ce match, nous sort... Donc la bombinette à 3 à un moment donné, qui maintenant en fait fait office de dagger quoi. Tu vois ce genre de shoot, ça va nous manquer. Ça va nous manquer parce que c'était un mec qui arrivait à avoir un tir à 3 rapide derrière écran. Souvent C'est un shooter. Ouais, et Clarkson est capable de shooter à 3, mais c'est pas voilà, c'est pas la même régularité, c'est pas le même profil de joueur. Il va avoir plus tendance à aller vers le panier quand même. Vraiment un tir rapide, je veux dire, il prenait paf. Là, tu vois, on a eu quelques matchs là. En fait, le Landry, et des fois, il nous mettait quelques bombinettes qui faisaient du bien. Et puis même, il était pas dégueu en défense. Je veux dire, il faisait le job quoi. L'action de fin match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Au-delà du fait qu'on gagne, on fait ouf. Là, si tu veux, sur le match, au début, quand, en vitesse réelle, je fais bordel. Tu vois, bah, au début, je pense que c'est N1, quoi. Je pense que c'est Shamet qui fait faute avec la hanche. C'est ça, je me dis, mais putain, mais on mène de 2 points, qu'est-ce qu'il va faire faute? Et après, Donc tous ils sont en mode machin et la première chose que je me suis dit c'est le braquage. Je fais oh putain le braquage. En effet, il fait la faute. Mais pour moi, la Est-ce que tu première. siffles ça à ce moment-là? Bon, La c'est un jeune joueur. première, Chamette va au bas du Il va au corps. contact, ouais. Il est comme ça, mais tu vois, au bas du corps, il va au contact si c'est lui. Enfin, donc, Après, pour ça moi, reste il un fait. joueur intelligent parce qu'il fait pas faute, il laisse les mains en l'air. Donc voilà, mais il est au contact. L'autre, il Il glisse devant en l'enroulant. entraîne son. Je veux dire, par le bas du corps, au niveau du bassin, il entraîne son mec vers la sortie, tu vois. Je veux dire, donc, bon. Pour moi, quand j'ai vu ça, vitesse réelle, je me suis dit. Oh. Et après, quand l'arbitre ici faute offensive, et du coup, ben. Tu dis Du coup. quoi? Merci. Bon, Alors, on se rappelle qu'on avait perdu un c'est match vrai qu'après, derrière, en. il enroule le bras, tu vois. Et bon. Ouais. Mais Le la. ralenti montre la faute de l'attaquant. Oui, c'est forcément, Après, si on enroule ses défenseurs, mais bon. il y avait Ça. faute, y avait faute sur Towns contre le match contre Miami. Donc bon, si tu veux, quelque part, Oui, ouais. ça peut, Une sorte de entre guillemets. justice entre les deux matchs, quoi. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire Mais ça comme ça. Parce qu'on est fan des Knicks et ça nous arrange de le voir de la sorte. Mais voilà, on aurait pu très bien filer en prolongation. Qu'est-ce qui serait même, passé en prolongation? Aucune idée. et même, là il mettait le, c'était le 2 plus 1. Hein. Ah, il pouvait. Oui. Après, il pouvait louper son lancer. Non On ne mais saura pas. à 0,4 secondes, 2 plus 1, moi perso. Oui, non, mais ça s'est vu que des joueurs loupent des N1. Voilà, il aurait pu égaliser prolongation, ils auraient pu gagner avec une victoire d'un Non, point. ce match horrible. Mais des Donc, fois, il faut on des s'en victoires sort très dégueu. bien, et Mais. Brunson le disait en interview d'après-match, des fois il faut savoir gagner des matchs qui sont sales, ça a été le cas, mais on s'est compliqué la vie. C'était, hurrah, on sort le champagne, la première victoire à l'extérieur des Knicks. Bon, et ben derrière, retour en Floride, chez le Magic. Alors, le Magic, il n'y a pas plus Banchero, hein, mais il s'en sort plutôt pas mal avec un Franz Wagner qui a beau avoir son masque, il score quand il a envie, hein, il n'est pas trop gêné par cette histoire de masque. Il n'est Et pas trop donc, le gêné, mais Magic, par la bah, défense des Knicks, qui. au passage. Et par la défense des Knicks, ouais. Je ne sais pas qui du masque ou de la défense des Knicks le gêne le plus, peut-être ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Le mec qui finit à 37 points, à 13 sur Ouais. 19 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 6 rebonds, 7 passes. Alors, Propre. il est sûr que si nous avions eu OG par là, bon, il aurait Oui. peut-être été en mission un peu plus défensive, il aurait pu lui proposer un peu un match plus compliqué. Mais en tout cas, il nous a fait la chanson encore une fois sur cette rencontre. On espère qu'au mois de décembre, pour notre viewing party, ça sera un peu moins le cas. Mais en tout cas, voilà, le Magic qui propose toujours des difficultés aux Knicks, eh bien, c'est encore le cas cette fois-ci. C'est eux qui ont provoqué la première défaite au Garden des Knicks. Eh bien, voilà, nous, on n'a pas su prendre cette revanche chez eux. Les Il n'y a pas Magic, c'est une vraiment eu de équipe qui le match, hein. réussit rarement, hein. Non, mais Rarement il n'y a une pas équipe. vraiment eu de match, quoi. On n'a jamais vraiment été en mesure de les inquiéter. Même si en début de rencontre, pourquoi pas, c'était accroché au score le temps des premières On actions. était à la mi-temps, on n'est pas devant à la mi-temps. Je sais plus, je l'ai vu cette nuit du match, mais. 29-31 premier quart, Ça joue à pas 37-33 grand-chose, deuxième quart. l'écart était pas. Et C'était ensuite. serré. Et ensuite, on perd le troisième 27-34 et l'autre 28-35. Mais t'imagines, là, toute cette semaine, en fait, je veux dire, c'est de très peu, mais c'est à chaque fois pareil. C'est le quatrième carton, il nous manque. Et pourtant, on peut pas dire que c'est pas sur la rotation, tu vois. Mais comme si, en fait, d'un coup, il nous manque ce second souffle, ce troisième souffle, tu vois, qui nous permet d'avoir ce supplément de vitesse. Et c'est nous qui subissons ça, et à chaque fois, on perd. Et là, contre le Magic hier, ouais, le Magic, t'avais l'impression que t'arrivais pas à les arrêter, tu pouvais faire ce que tu voulais. Ah, ils C'est. étaient en confiance et ils étaient chez eux et ils ont pas été inquiétés à proprement parler par les Knicks, quoi. Même si Non. Jalen Suggs prenait des fautes, alors on a eu pas mal de fautes aussi, c'est une constante. Mais voilà, on n'est plus sur les matchs à 140 points là. On n'est plus sur les matchs à ce niveau-là. Donc il va falloir trouver d'autres solutions pour espérer gagner des rencontres. Parce que le jeu d'attaque, oui, très bien. L'adresse en ce moment, eh ben, elle n'est peut-être pas des meilleures. Mais défensivement, surtout, c'est là le souci, quoi. C'est là le souci, quoi. Donc T'imagines, bon. quand tu regardes là sur Renault 5, 1, 2, 3, 4, sur nos 6 derniers matchs, les Grizzlies, tu prends 120 points. Le Magic, tu prends 124 points. le hit, tu prends 132 points. Ensuite, tu le perds, tu prends 115 points, 111 points, et à nouveau 130 points. Putain, on encaisse ça. On est censé en marquer beaucoup plus et par conséquent être en capacité d'en encaisser, mais on en encaisse quand même pas mal, quoi. Ouais, on encaisse quand même pas mal. Ouais, là actuellement. Nouvelle là, philosophie de jeu. Quand je regarde sur Basketball Reference, Offensive Rating 120, 3ème, et Defensive Rating 115 points, donc quasiment 116 points encaissés, 19ème. Ouais, mais l'écart est. L'écart est trop important. Ce qui fait qu'en ce moment, bah, on est un peu plus dans le dur. On a un bilan qui est quasi équilibré, hein, 9-6. Voilà. Et on n'a pas non plus affronté des cadors. On a des équipes qui étaient diminuées. Voilà. Alors après, il y a peut-être le fait que, aussi, au rythme de la saison, les défenses adverses commencent à s'ajuster au jeu d'Enix, pour sûr. Là, le Magic, c'est une équipe qu'on avait déjà joué une première fois. Le Heat, c'est déjà une équipe qu'on avait déjà affrontée. Mais voilà, on gagne péniblement face à Dallas, qui n'était pas au complet, loin d'être au complet. Pas une semaine rassurante du tout, cette semaine qu'on vient de passer avec l'Enix. Bon, je regardais un peu le calendrier, là. Le calendrier. On va y venir. Jusqu'à la nouvelle année. Est-ce que on a quand même un calendrier plutôt favorable jusqu'au 1er janvier? On rencontre deux fois Charlotte, on va rencontrer à nouveau le Magic, mais on rencontre Utah, tu vois, on rencontre les Nets, on rencontre les Pelicans. Bon, on a quand même un calendrier relativement potable. Mais bon, ouais, après derrière, à voir comment ça va se goupiller, parce qu'actuellement, en fait, tu te dis, cette équipe, elle peut gagner, mais elle peut perdre contre tout le monde, quoi. Et c'est pas ce qu'on attendait d'Enix. Non, on avait plus grande aspiration. Bon, alors du coup, dans cette semaine, est-ce qu'on arrive quand même à sortir un joueur du lot? C'était pas facile, hein. On aime bien mettre à l'honneur un joueur d'Enix, lui décerner la couronne, hein. Pas de Timberland cette semaine. Non, on va pas sortir le casque de chantier. D'ailleurs, en défense, ça va être compliqué, hein. Le seul qui a eu l'honneur, c'est Landry Shamet. Et je crois qu'effectivement, il l'aura pas pendant un petit moment, malheureusement. Mais voilà, ouais, donc Jalen Brunson qui revient pas trop mal, dans ses standards en tout cas, mais pas suffisant pour porter l'Enix à un bilan équilibré ou positif, du moins. Karl Anthony Towns, bah, on attend un peu de constance de sa part et vraiment des matchs où il est capable de dominer ses adversaires, parce que là, il n'y a pas non plus des gros pivots adverses. Hein. Bama Adebayo n'était pas là face au Heat, face au Magic, c'est pas non plus les plus gros intérieurs de la ligue, hein, donc bah non, malheureusement, il a pas su performer. Josh Hart, on a dit, plutôt bon dans ses standards. Est-ce que c'est suffisant pour décrocher le joueur de la semaine chez nous? Eh bien non. On a opté plutôt pour Michael Bridges. Alors bon, c'est pas non plus les performances dingues de cette semaine. Il y a de la régularité quand même, il y a de la constance. En termes de scoring, on est sur une production entre 16 et 23 points, je crois, cette semaine. Donc voilà, c'est une sorte de force tranquille. On en attend plus. Donc c'est plutôt un award d'encouragement aussi de notre part pour lui dire « Hey, Michael, ok, OG, il est sur la touche. On ne sait pas s'il revient la semaine prochaine, c'est même pas sûr. Peut-être qu'il lui faudra 3 semaines, 4 semaines de break au final. Il va falloir que tu hausses un petit peu ton niveau de jeu. Tu peux, tu en as les capacités. En plus, en ce moment, tu shootes plutôt bien. Tu es en réussite aussi avec ton adresse. Donc profites-en. Et puis, Mike Brown, dans le quatrième carton, tu as le droit aussi d'utiliser Michael. Tu n'es pas obligé de tout donner les ballons à Deuce ou à Kat. Hein, on l'a dit, l'action 1-5... Est-ce que c'est une volonté de Mike Brown ou est-ce que c'est Deuce, tu vois, qui se croit franchise player, tu vois ce que tu dis? Écoute, voilà, on verra. Mais effectivement, Michael a des choses à prouver, à montrer. On en attend beaucoup. Peut-être que voilà, le step-up offensif qu'on attend, c'est de lui. Il fait une belle semaine, une belle production aux interceptions, en tout cas. Il a volé quand même un paquet de ballons, donc ça là-dessus, ça donne aussi des munitions en attaque. Mais voilà, un petit encouragement, et puis aussi quand même une semaine assez bonne dans l'ensemble le concernant, mais peut mieux faire, comme on aime le dire, peut mieux faire. Voilà, c'était notre rétrospective de cette semaine. Là, on va regarder ce qui se présente la semaine à venir. Les Knicks jouaient jusqu'à présent des semaines de 3 matchs. Est-ce que cette semaine, ils vont jouer 3 matchs? Eh bien, on regarde ça tout de suite ensemble sur le programme de la semaine. Let's go. Mais avant de regarder le calendrier, on regarde un petit peu les rankings. Bah oui, ça a un peu de sens maintenant qu'il y a presque une quinzaine de matchs joués. D'ailleurs, une quinzaine de matchs joués pour New York. Et qui est toujours en tête de cette conférence Est? Eh bien, les surprenants, mais en tout cas, ils confirment, Detroit Pistons. Et ouais, semble-t-il, ils ont une superstar en la personne de Cade Cunningham, et Jalen Brunson n'est qu'une star, hein. C'est voilà, une star de la Ligue, visiblement. Cade a plus de hype. Et pour ce début de saison, en tout cas, ils le montrent, et ils répondent présents, ces Detroit Pistons. Ils n'ont perdu que deux matchs, hein. Donc voilà, un très bon bilan. Et ah ouais, qui, voyons-nous... ils sont bons, hein, ils sont... ouais. Et qui voyons-nous à la deuxième place? Les Toronto Raptors. Alors là, c'est Bruce Scott, hein. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui les voyait aussi haut en ce début de saison. Alors, est-ce que ça rentrera dans le rang un peu plus tard? On l'espère pour nous. Mais voilà, ils se haussent aujourd'hui à la deuxième place, à égalité, enfin avec le même bilan que les Cavs et, si je ne dis pas de bêtises, le Miami Heat. Et les Knicks, avec ses défaites sur la route, on rétrograde, quoi. On rétrograde, on était dans une seconde place tranquillement installée derrière... sur la banquette arrière des Detroit Pistons, et voilà, ça a glissé. On est toujours en playoff, hein, rassurez-vous, mais si on en est loin. Mais on est juste devant, ou du moins on propose le même bilan que les Philadelphia Sixers, dans un contexte quand même assez différent. Les Hawks, le Orlando Magic, pardon, les Chicago Bulls, qui sont devant les Boston Celtics, Milwaukee, Giannis qui est blessé aussi, alors quand est-ce qu'il va revenir? À voir, ça pourrait pénaliser son équipe. Et suivi du groupe Eto avec les Charlotte Hornets, les Brooklyn Nets, les Pacers et les Wizards, qu'on ira voir en février. Si tu regardes un petit peu du Heat 4e au Bulls 9e. Ouais, il n'y a pas tellement d'écart. Le Heat a 10 victoires pour 6 défaites. Les Knicks, 9 victoires pour 6, comme Philadelphie, 9 victoires pour 6. Hawks, Magic, 10 victoires pour 7. Et Bulls, 9 victoires pour 7. Donc, ça reste assez serré pour l'instant. Et après, tu as Boston qui est à 8-8 et Milwaukee qui est à 8-9. Donc, et après, tu as vraiment tu vois, Charlotte 4-12, Nets 3-12, Pacers 2-14 et Washington 1-15. Donc là, tu as ces 4 équipes là vraiment derrière, c'est vraiment le bottom. Mais après, tu as Boston et Milwaukee à voir comment ça va se goupiller, si à un moment donné ça se réveille ou pas, le retour de Tatum chez Boston. Quand est-ce que vraiment ça va ouais. Voilà. Mais à voir, ils ont quand même merde Boston, même si leur manque Tatum, ils ont quand même un bel effectif après. Enfin, bon. Et après, tu as quand même là, voilà, entre Chicago et Miami, tu as ces 6 équipes là qui, pour l'instant, se tiennent toutes ensemble. Devant, tu as Cleveland, Toronto et Détroit. Alors, est-ce que Toronto, maintenant, ça va chuter? C'est possible. Détroit, ils sont sur la lignée de leur saison dernière. Hein, donc, ouais, et puis ils sont en pleine confiance. Voilà, Détroit, donc Détroit, ils perdront des matchs, c'est certain. Mais Détroit, c'est fort. Et Détroit, ça finira top 4, top 5. Voilà, ça finira dans le top 5. Après, à quelle place du top 5? Mais je pense que ça finira playoff, évidemment. Mais ensuite, à quel niveau d'avantage du terrain ils auront? Tu vois, mais moi, je voyais un peu les Raptors. Enfin, Orlando faire le début de saison des Raptors. Tu vois. Moi, là, Orlando, j'avais vraiment... Ouais, ça, pour l'instant, ce début de saison déjoue pas mal de pronostics. Les Cavs qu'on attendait avec les Knicks à la lutte, bon, pour l'instant, il y a un petit peu de retard à l'allumage. Les Hawks aussi, pour lesquels les gens prédisaient quand même une belle réussite avec une belle intersaison. Bon, Trae Young est blessé, certes, mais voilà. Les Sixers... On ne savait pas trop. Maintenant, Paul George est revenu. Bon, à voir ce que ça peut donner, mais ils ne sont pas ridicules. Vijay Scomb a fait un bon début, rentre un petit peu plus dans le rang, mais ils ont un effectif quand même avec du talent, avec aussi Tyrese Maxey. Donc voilà, le hit, on ne savait plus trop quoi en penser du hit. Ils sont immortels et en même temps... Coaché par Spoelstra, faut toujours s'en méfier. Mais en même temps, Tyler Hero n'a toujours pas fait son début de saison. Bam Adebayo a déjà manqué des matchs. Et pour autant, ils sont quand même bien placés. Mm-hmm. Donc c'est dommage qu'en fait, oui, on dit que les Knicks ont quasiment le même bilan que l'année dernière au même temps de passage. On en attendait plus, on en attendait mieux. Certes, changement de coach, ça change la façon de jouer. Et ça prend tout de suite ou pas. Pour l'instant, ça prend plus ou moins. Mais voilà, on aurait aimé se trouver dans une position comme les Raptors. On aurait aimé se retrouver retrouver dans la position des Detroit Pistons pour faire la course en tête tranquille et puis laisser tout ce beau monde dans le rétroviseur. C'est pas le cas. C'est pas le cas avec les matchs à l'extérieur. Est-ce que cette semaine, on va avoir des matchs à l'extérieur? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et puis cette semaine, on n'a pas trois matchs, on en a quatre. Et si on peut faire vite fait un petit point rapidos sur l'Ouest. Oklahoma, 16 victoires pour une défaite. Je crois qu'ils sont candidats à leur propre succession plus que jamais. Denver est toujours là. 12 victoires, 4 défaites. Les Lakers. Ils ont gagné un choc contre les Rockets qui permet aussi de se placer. Mais il y a eu l'annonce il n'y a pas longtemps, là, Aaron Gordon qui va être blessé pendant plusieurs semaines, qui devrait peut-être même pas rejouer avant le changement d'année. Donc voilà, ça pourrait aussi les freiner. C'est quelqu'un d'important. D'ailleurs, ils ont perdu. Mais ensuite, les Lakers, 11 pour 4. Et tu sais que les Lakers, j'ai regardé 2-3 matchs, et tu sais que c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas... Ils arrivent toujours à s'en sortir, les Lakers. C'est incroyable. Je veux dire, là, sans LeBron, mais tu regardes leur équipe, Doncic, Reeves, ils ont toute une équipe, c'est vraiment, vraiment pas mal. Attention à eux, ça peut vraiment être une équipe très, très dangereuse quand on arrivera les playoffs. Ils seront là, les Lakers. Il y a forcément une envie de revanche d'un certain Luka Doncic, mais voilà, la saison est encore longue. En tout cas, ils sont plutôt bien placés et ils prennent pas de retard à l'allumage au démarrage de cette saison. Et après, tu as les Spurs qui, malgré l'absence de Wemby, sont sur 3 victoires. Donc, ils ont un bel effectif après les Spurs qui arrivent aussi un peu à maturité. Houston, 10 pour 4. Et Houston, ça... Bon. 10 pour 4, on les voyait peut-être un peu plus haut. Phoenix, 10 pour 6. Et après, donc en play-in, Minnesota, Golden State, Portland qui est là, et Memphis. Memphis qui reprend un peu de victoire, mais sans forcément un déjà très, très, très important. Donc, bon. Et après, eux, par contre, après, ils ont quand même... Tu vois, nous, on a 4 équipes, ils en ont 5. Utah qui a 5 pour 10. Clippers à 5 pour 11. Bon, ils ont gagné hier facilement contre Charlotte. Bon, après c'était Charlotte. Dallas qui va exploser à 5 pour 13. Sacramento qui va exploser à 4 pour 13. C'est annoncé d'ailleurs, les front office ont dit. Là, j'en regardais tout à l'heure. Sacramento a dit bon. Tout. On trade tout le monde sauf Keegan Murray et leur petit Nick Richard, je crois. Ils ont dit, voilà, leur rookie. Ils ont dit, sinon, tout le monde est à vendre. Donc, Sacramento, ça va exploser. Et la Nouvelle-Orléans, quid de Zion, encore une fois. Bon, on verra. Éternelle question depuis son arrivée dans la Ligue. Mais tu vois, ils ont 5 équipes qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc, à voir. Eh bien, nous, cette semaine, on aura du Eastern Basketball, du 100% Eastern Basketball. Il n'y a pas une équipe de l'Ouest au programme des Knicks. Donc, ça tombe bien, il va falloir faire sa place dans cette conférence Est. Et il y aura à la fois des matchs à l'extérieur et à la fois des matchs à domicile. Donc, on peut espérer retrouver un peu de la victoire. En tout cas, on en attend. Pas 3, mais 4 matchs cette semaine. On commence avec un déplacement, encore un match à l'extérieur. Où ça? À Brooklyn. Bon, ça va un petit peu avoir des airs de la maison, hein, quand même. Je pense que le soir, les joueurs pourront dormir dans leur lit avec maman, madame ou les enfants. En tout cas, ça, là-dessus, ils seront quand même un peu chez eux, au Barclays Center. Donc, ça sera le match dans la nuit de lundi à mardi. Commencer par un match face aux Nets, normalement, ça doit permettre de relancer la machine à victoire. Ensuite, derrière, déplacement, un vrai déplacement. Où ça? À Charlotte. Bon. Pareil, Charlotte Hornets, on l'a dit, c'est pas clairement le plus gros des bilans de la Ligue. Si on n'arrive pas à gagner là-bas, si on n'arrive pas à gagner ces deux matchs à l'extérieur, il va vraiment falloir s'inquiéter côté New-Yorkais. Et puis après, retour à la maison. Oui, pour le match de la Cup, on va sortir le parquet bleu, et là on accueille qui? Les Milwaukee Bucks, qui sont pour le moment, on le rappelle, premiers du groupe C, dans laquelle les Knicks sont dans cette coupe. Donc si d'aventure les Knicks veulent aller faire un petit tour à Vegas, bah, il serait de bon ton de s'imposer face aux Bucks, ça ferait coup double, ça ferait le coup pour la Cup, et ça ferait le coup pour le classement de cette conférence, sachant qu'en ce moment, avec l'absence de Giannis, bah, ça perd quelques matchs côté Milwaukee, donc voilà. Et puis peut-être que la grosse affiche de la semaine, on va en parler, ça sera face au Toronto Raptors, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, on aura l'occasion de débriefer tout ça la semaine prochaine, mais voilà, c'est le gros match, c'est le plus gros adversaire, en tout cas à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre sur ce classement. Donc 4 matchs, 2 à l'extérieur, 2 à domicile, bon, 2,5 Barclays Center, on l'a dit, c'est comme la maison, donc il y a moyen de réespérer, retrouver de la sérénité, retrouver de la victoire cette semaine, on espère. Mais ses adversaires, Dans quel état de forme sont-ils? Ça, tu vas nous le dire, Seb. Alors, donc, nos voisins des Brooklyn Nets, ça on l'a dit, donc ils ont un bilan de 3-12. Ils sont sur 3 défaites pour 2 victoires. Leur dernier match est une victoire à Boston. Eh oui, tiens donc, ça arrive. Une victoire à Boston et ils ont gagné contre les Wizards. Voilà. Donc, et après ça, ils ont perdu contre Toronto, Orlando et Boston dans leur double confrontation consécutive. Qui il leur manque actuellement chez eux? Nick Claxton est actuellement en day-to-day. Il est annoncé retour contre Toronto, donc c'est leur prochain match, Toronto. Du coup, il sera sûrement présent contre nous. Après, sinon, on a Cam Thomas qui est toujours blessé. Donc ben là, lui, il est là pour entre 3 et 4 semaines, donc il sera clairement pas là. Et après, bon, ils ont tous leurs petits rookies. Ben Saraf et Igor Demin qui aussi sont pour l'instant manquants. Ouais. Sur les Nets, on les a affrontés une fois, on les a battus. Nolan Traoré, il a joué ou il a pas joué? Contre qui? Contre la NBA, au sens large. C'était lui contre le monde. Voilà. non, parce que voilà, il faisait partie des nombreux rookies draftés par les Nets l'été dernier. Assez loin, on va dire, en fin de premier tour. Mais j'ai pas vu d'image de lui. Il a joué, ce que j'ai actuellement, il a joué 4 matchs. Ouais. Pour 8 minutes. Ouais, pas ouf. Ouais, voilà, après c'est anecdotique, il y a 1,8 points, 1,3 assists. Ah, est-ce que c'est de la blessure? Non, je sais pas s'il est... Enfin, non, j'ai non, pas non. du tout suivi. Non, non, non, c'est pas là. Il est pas sur la liste des blessés, d'ailleurs, il a été envoyé un bon vieux DNP, choix du coach, quoi. Ouais, non, c'est pas... Non, c'est pas du tout, il est pas du tout blessé ou quoi. D'ailleurs, je t'ai dit, je crois que lui et Demin ou Saraf, un des deux, ont été envoyés en G-League, justement, pour essayer de se faire la main. Et même, je crois qu'en G-League, c'est pas flamboyant, quoi. Donc, compliqué, voilà. Compliqué du côté des Nets. Bon. Alors, les Charlottes. Bon, hier, j'ai regardé le match, elle était en française, là, pour le coup, donc j'ai jeté un œil, tu vois. Bon, déjà, je suis pas le plus grand fan de la Melo Ball, mais ils se sont fait ouvrir par... Ils se sont fait ouvrir par James Harden, qui était en feu de chier en feu. Ils perdent le match 131-116. Bon, pour eux, c'est plus simple. Sur les 5 derniers matchs, on a 5 défaites. On l'a dit, bilan 4-12. Pourtant, ils ont une équipe qui est... Ils ont tous leurs gros joueurs. Bon, ils ont Treyman qui n'est pas là. Grant Williams... Putain, j'avais oublié qu'ils avaient Grant Williams quand j'ai vu... Ouais, quand je l'ai vu sur le banc hier en bien tenu, tu sais. Je suis putain, ils ont Grant Williams. Et... Ouais. Donc ouais, il est là. C'est un peu perdu. Ils ont lui, ils ont Josh Green. Très mal, mais bon, aucun n'était là hier et pas de Non, alors Rocky, je sais pas comment on prononce le nom là, avec un K là, que Kneuscher. Knuppel. Ok, lui. c'était le bro de Cooper Flag. Ils jouaient dans la même équipe. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ils jouaient dans la même équipe. Ben, okay. Il est pas mal là, lui. Hein. Lui, il est pas mal, leur mec là. Mais hier il score pas mal de points, alors il croque un peu, mais forcément il lui donne Con Knuppel, tu vois, actuellement il a joué 15 matchs, il tourne à quoi? Il tourne à 18 points de moyenne, le coco, quasiment 6 rebonds, 3 passes. Si c'était lui le rookie de l'année, on sait pas, on verra. Je sais pas. En tout cas, voilà, ils ont Brandon Miller, ils ont LaMelo Ball, ils ont Colin Sexton, ils ont Moussa Diabaté qui leur a fait beaucoup de bien aussi hier, ils ont Miles Bridges, donc bah écoute, ils ont quand même leur fort élément. Le truc, c'est qu'ils pêchent énormément par leur banc, il manque énormément de talent sur le banc, donc c'est vrai que c'est souvent là que ça se passe, mais voilà, leurs stars, Ball, Bridges, Miller sont présents, leur rookie Knuppel est présent, voilà, donc écoute, moi ça gagne pas beaucoup. On doit pouvoir le prendre, ce match. Ouais. Évidemment qu'on doit le prendre, ce match. Mais en ce moment, si tu veux, moi, les Knicks, ça a la gueule, clairement, tu vois, d'un match qu'on perd. Voilà. Pour moi, hein, ça... Non, mais vraiment, ça, pour moi, ça a la gueule d'un match qu'on perd où il y a trop de folie, tu vois, sur le match. Ça, c'est un match... Ça part dans tous les sens, ouais. À voir. Il peut y avoir trop de folie et qu'on puisse le perdre. Donc, à voir. Ensuite, le match suivant, les chevreuils de Milwaukee, nos amis, Bambi. Bon, écoute, Pampan. eux, c'est plus compliqué en ce moment, hein. On est sur un bilan de une victoire pour quatre défaites. D'ailleurs, ben, Giannis, il est blessé. Est-ce que je vais te dire ça? Giannis est blessé. Oui, Giannis est en ce moment. blessé. Ouais, il est blessé encore 1 à 2 semaines. Donc c'est peut-être pour ça, parce que je lui disais, mais attends, c'était lui qui trustait tous les trucs. Tu sais, tu voyais, meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur marqueur. Oui, bah, il leur Ah, j'ai manque plus leur joueur à confiance. tout faire, quoi. Ah, là, ouais, là, c'est Rollins, Portins, Rollins. Bon. Ah oui, en fait, j'ai pas dit tout à l'heure. Bon, je l'ai plus, si je dois l'avoir, le calendrier. Qu'est-ce qu'ils jouent avant nous? Les Charlotte Hornets, les Frelons. Avant nous, ils jouent Atlanta. Avant nous, ils jouent Atlanta. Ils vont avoir 3 jours de repos. Ils nous jouent nous ensuite. Donc voilà, ils Ils jouent seront Atlanta frais avant pour nous. recevoir les Knicks. Ouais. Voilà, ils seront frais et dispo. Donc on a dit les Milwaukee Bucks. Ben ouais, ben écoute, il manque Torian Prince. Il manque Kevin Porter Jr., mais surtout, il manque Giannis Antetokounmpo, ce qui est Et énorme. ça peut changer beaucoup de choses. Ben oui, tu vois, que quand il n'est pas là, bon, ben là, bon. Ils avaient fait un bon début de saison, un bon démarrage. Ils avaient battu les Knicks, on se rappelle de ça lors de la première confrontation. Oui. Donc là, bon, Et il y a là, il des sera pas éléments là. favorables pour essayer d'envisager de s'imposer en cup à la maison face à eux. Ils joueront qui avant de nous rencontrer? Portland, Miami, New York. Donc Portland et Miami. D'accord. Ok. Deux équipes compliquées. Ils peuvent arriver à notre pour notre match avec 6 défaites consécutives. Hein. Dans la tête, ça peut être pas ouf. C'est grave, docteur. Ça, on lui posera la question vendredi. Et enfin, donc les Raptors. Les dinos. Les Toronto Raptors. Ben, eux, écoute, tout va bien pour eux. Je regarde, il n'y a quasiment que du vert depuis le 1er novembre. Ils ont perdu que un match en novembre contre Philadelphie. Sinon, ils ont remporté tous leurs matchs. Alors, ok, dedans, il y a du Washington, il y a du Charlotte, là, de l'Indiana, il y a du Brooklyn, il y a du Ah oui. Memphis. Mais ils ont Mais ils ont gagné. gagné. Mais ils ont battu 2 fois Cleveland. Ils ont battu Philadelphie, qui, comme tu dis, qui était quand même revenu un peu en forme. Voilà, ils ont battu Milwaukee, quand il y avait encore Giannis. Donc voilà, certes, un calendrier plutôt sympa, mais il faut les prendre, ces matchs-là. C'était une équipe, Ouais, mais ils le prennent. surtout pour une équipe dont on annonçait, voilà, avec un bilan plutôt compliqué et aux portes du play-in. Et ben, pour une équipe, tu vois, qui était annoncée un peu compliquée, ben, prendre ces matchs-là, et surtout avec la manière. Washington 140-110. Philadelphie 121-112, Charlotte, bon, Charlotte 110-108, c'est accroché. Indiana 129-111, Cleveland 126-113, il y a la manière. Il y a la manière. Ouais. Donc, Non, et ils ont un puis, bon bilan, ils sont bien placés, on aimerait être leur place pour le coup. et puis les meilleurs marqueurs, ça varie. Tu as un coup de Lingram, du Barrett, j'ai vu du Barnes, du Poeltl, du Quickly. Il y a de tout là-dedans. Il y a de tout là-dedans. Et pour l'instant, écoute, ça clique, ça marche. Donc, quelque part, je suis un peu content pour eux. Et je suis content aussi surtout pour Ah, on en Emmanuel a deux Quickly. anciens qui sont là-bas. Ouais. Voilà. Alors, bah écoute, compte actuellement, bah là, ils ont Poeltl qui est pas là, mais qui est annoncé au retour sûrement au prochain match contre Brooklyn. Oui, d'accord. Donc, mais eux, cette semaine-là, écoute, ils jouent Brooklyn là ce soir. Ils jouent Cleveland. Ils jouent Indiana. Ils jouent Charlotte. Et ils jouent les Knicks. Grosse semaine aussi, mais en nombre de matchs, mais des oppositions qui sont à leur portée. Ils 5 devraient pouvoir matchs. faire fructifier encore 5 matchs. Eh Bah ben. écoute, moi Il y là, a peut-être le match de cette nuit, ouais. je vois Brooklyn, ouais, je vois Brooklyn, Cleveland, Indiana, Charlotte et les Knicks au 1er décembre. Ok. Eh ben amusez-vous les Raptors, amusez-vous. Là, et alors ouais, ok, Brooklyn, mais bon, ouais, tu vois Brooklyn, Indiana, Charlotte, bon, mais c'est l'accumulation des matchs, tu vois là, quand même, 5 matchs, waouh, ça. Ah ouais, tout le Ça monde n'est pas envoie mis à quoi. la même contribution. Après, c'est des semaines de cup aussi, donc il va falloir avancer dans la cup et c'est pour ça que le calendrier se densifie. Bon, la traditionnelle question, c'est quoi le match immanquable cette semaine alors qu'il y a 4 matchs? Il y a l'embarras du choix. Bon, c'est évident. Ouais, c'est les Raptors. C'est les C'est Raptors. les Une Raptors. petite poutine, un peu de sirop d'érable et puis un match à la Un maison au Garden. pancake. Un pancake. Tabernacle. Oh, c'est pancake. Oh oui, oh oui. Bah oui, non mais voilà, ça sera forcément le match qu'on va le plus attendre, même s'il y a le match de la Cup, mais bon, Giannis Ah, blessé, Giannis sportif, ça va changer l'intérêt de cette rencontre, quoi. Bah t'affrontes quand même une équipe, entre une équipe hyper en forme, au complet, qui a perdu pour l'instant un match en novembre, avec quand même de beaux joueurs dans cette équipe, hein. Des Ingram, on a dit, Ingram, des Barrett, des Barnes, même si je suis pas hyper fan de Barnes, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop son mindset, en fait. Tu vois, Barnes, la dernière fois, il a tiré la langue, il a fait un bisou, un air bisou avant d'aller. T'as pas vu cette image? Il part en contre-attaque, et en fait, donc il y a une interception, donc il part seul, et en fait, il se retourne vers son défenseur qui est un peu derrière, il lui fait comme ça, et il va dunker. Bon, c'est du trash talking gentil, quoi. Il envoie des airbisous, quoi. Bon, ouais, okay. Bon, okay. C'est pas de Jamorent, mais ok, ouais, ok. Non, bah non, c'est le match immanquable cette semaine. Ouais, ouais. On va monter en intensité d'adversité, et bah voilà, ça sera le point culminant, le pic dans la nuit de dimanche à lundi. Leurs trois défaites, c'est contre les équipes texanes. Enfin, ils ont quatre défaites. Ils ont Milwaukee, et après Dallas, San Antonio, Houston, pim, pim, pim. Je veux dire, ça, les pistoleros du Dallas, de Texas. Il y a un truc qui ne matche pas entre le Canada et le Texas, je sais pas. C'est la distance, trop chaud. Peut-être. Trop chaud. Ouais, peut-être. Bon, la semaine dernière, tu avais tout bon, malheureusement, pour nous, pour les Knicks. Avec ton pronostic, tu annonçais une semaine en déficit de victoire. Ça a été le cas. Une victoire et deux défaites. Moi, j'espérais un 2-1. Ben non, j'étais pas. Donc, honneur à toi. Tu vas pouvoir te lancer sur le grand pronostic de cette semaine. 4 matchs à jouer. 1, 2, 3, 4 victoires. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir des Knicks cette semaine? Écoute, comme je t'ai dit, et je vais rester sur ce que je t'ai dit, et je vais te dire 3 victoires, une défaite. Ok. On gagne contre les Nets. Merci. On perd contre Charlotte. On perd contre Charlotte. Et on gagne les matchs suivants contre Milwaukee, très affaibli. Et je pense qu'on peut prendre le match contre les Raptors. Ils ont un gros calendrier. On joue à la maison. À voir est-ce qu'on a des retours ou pas. À voir comment se passe notre équipe ou pas. C'est vrai que ce match, tu te dirais, bah, tiens, on perd contre Charlotte. On gagne contre Charlotte, on perd contre Toronto. Je sais pas, les okay. équipes comme ça, comme les Hornets, là, moi, c'est des équipes... Non, mais tu sais... Tout est possible. Ouais, c'est tellement débile. On avait bien perdu contre Utah la saison dernière. Bon, voilà, dans une saison régulière, il y a des défaites un petit peu embarrassantes, un peu gênantes. Ça pourrait être contre les Hornets. Ok, on note. Surtout, c'est pas forcément le pronostic le plus évident, mais... Surtout avec notre équipe actuellement, la forme actuellement, nos absents actuellement... Donc, ouais, il y a pas mal de choses que je me dis. Bon, je sais pas. Voilà. Ok. Je vais te suivre, mais pas avec le même scénario. Je vais partir sur un 3-1 aussi. Et moi, ça sera plutôt une défaite face aux Raptors. Le reste, je veux pas entendre parler de défaite. Parce que contre les Hornets, contre les Charlotte Hornets, contre les Brooklyn Nets, les Nets, Hornets, machin, là. Non. Ça, il faut arrêter les bêtises. Faut gagner ces matchs-là. On a le droit de perdre contre le Magic. C'est pas honteux. On a le droit de pas bien jouer. Mais par contre, contre ces équipes-là, adversité plus faible. Si on veut vraiment avoir un standing de prétendant de quelque chose cette saison, il faut pas perdre ces matchs. Après, ça peut être accroché si vous voulez, parce qu'on joue mal, comme on n'a pas vraiment bien joué face aux Dallas Mavericks. Mais faut repartir avec les victoires. Le bilan à l'extérieur est mauvais. J'aurais du mal à le voir encore devenir plus mauvais en ayant une défaite quelque part entre Brooklyn et Charlotte. Donc pour moi, les deux, je veux rien savoir. Victoire. En plus, la Melo Ball commence à dire « Ouais, moi, je commence à en avoir marre. » Ouais, bah t'as qu'à commencer à jouer. il serait bien capable de manquer un de ses matchs. Ça en Et finira. pourquoi pas un match Ça va face aux fi... Knicks. Ça va finir en Chine, tout ça. Après Milwaukee pour la Cup, eh ben oui, les Knicks auraient quand même une bonne idée d'aller gagner. Surtout si Giannis n'est pas là, ça va changer quand même grandement la physionomie du match. Pourquoi pas que Karl-Anthony Towns se réveille un petit peu, commence à rentrer des 3 points parce qu'il est au Garden, et puis parce que c'est la Cup, il y a un peu plus de caméras, voilà. Donc même si Landry Shamet, je pense que malheureusement il va nous manquer pendant un bon moment là, cette saison, OG, je suis clairement pas persuadé qu'il revienne sur cette semaine. Ça serait une belle surprise de le voir revenir, on n'a pas de nouvelles de sa part, mais malgré ça on a un effectif qui doit quand même pouvoir s'imposer face aux Milwaukee Bucks qui sont pas dans la meilleure de leur forme. Et puis ouais, le gros match, le gros test de la semaine, ça sera face aux Toronto Raptors. Est-ce que les Raptors seront complets et nous pas complètement? Il nous faudrait quand même un bon Juice McBride parce que voilà, en sortie de banc il est quand même très utile, en relais de Jalen Brunson. Il pourrait aider à faire la différence aussi dans cette rencontre, mais voilà, si je vois une défaite quelque part dans la semaine, et parce que j'étais pas hyper optimiste non plus pour pronostiquer un 4-0, et ben ça serait contre ces Toronto Raptors. On verra, peut-être qu'on sera sur un 4-0, et on aura tout de suite repris un peu plus de place au classement. Les Knicks ont besoin de remonter dans ce classement de conférence Est, et là ça tombe bien, c'est que des équipes de l'Est, c'est clairement pas les plus grosses, donc il faut en profiter pour regagner des points et des places cette semaine. Donc voilà, 3-1 pour toi, 3-1 pour moi, pas au même moment de la semaine, et ben tout va se décider à Charlotte, ou alors bah, dès demain on va perdre contre les Nets, ça serait honteux et scandaleux. Non, on ne peut pas l'accepter, ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, n'oubliez pas la nouvelle KNF Viewing Party qui arrive, qui ça, quand ça, je suis en train de mélanger dans les... Qui ça C'est dans 2 semaines, ça sera non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, face au Orlando Magic. Rappelez-vous la date, le 7 décembre, le dimanche, à partir de 17h30. Un match intéressant, le Magic, hein, déjà 2 défaites. Donc à voir si les Knicks, chez eux, au Garden, arrivent à s'imposer. D'ici là, on peut espérer un retour d'OG. Et puis mardi, qu'est-ce que je raconte maintenant? C'est le jeudi maintenant. Bah oui, c'est pour ça que je me perds. Knicks Together sur Twitter Space, c'est le rendez-vous aussi que l'on vous donne pour échanger, communiquer, partager, donner vos impressions sur cette semaine des Knicks. Et là, grosse semaine, 4 matchs, donc c'est d'autant plus le moment de vous livrer. Est-ce que Tibbs vous manque? Est-ce que la défense des Knicks vous manque? Est-ce que Landry Shamet et son épaule va nous manquer? Venez, eh ben, c'est l'occasion d'en parler. Eh oui, venez on discute, c'est sympa. La dernière fois, il y avait un peu de monde, là, jeudi dernier, c'était cool. Donc, ouais, bah, faut venez en parler, venez amener vos avis, vos craintes, vos takes, vos hot takes. Ouais, c'est sympa. Donc, venez dire s'il faut qu'on trade 4, s'il faut qu'on fasse la pierre angulaire et que Jimmy doit dégager. Dans ces cas, on vous coupe pas la parole. Mais est-ce qu'il faut qu'on change de coach? Est-ce qu'il faut qu'on change de coach à nouveau? Est-ce qu'il faut qu'on fasse revenir? C'est vrai, tu l'as dit, Tom Thibodeau, il est... Hey, actuellement, il est libre. Quelle est l'équipe qui l'a foutu en l'air? Je ne comprends pas. Est-ce que Tom Thibodeau va retrouver un poste dans cette ligue? À voir, à voir. En tout cas, c'est l'occasion d'en parler entre bons amis, bienveillance, oui, en francophone, ouais. À partir de 20h30 le jeudi soir. Voilà. Voilà. Messieurs, mesdames, j'ai envie de dire, on a fait le tour pour cette semaine. On va vous donner rendez-vous lundi prochain. Je devrais retrouver mon décor habituel. J'espère que le micro n'était pas trop mauvais aujourd'hui. Et puis, on va vous souhaiter une très bonne semaine. 4 matchs Knicks. Les nuits vont être courtes. Espérons que les matins ne soient pas sous le signe de la grimace, parce qu'il ne fait pas très beau en ce moment. En plus, il fait froid. Tout ça. Le Black Friday, c'est passé. On va lâcher quelques dollars, pesos ou euros, à vous de voir, en fonction de votre monnaie, pour préparer les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas acheter un peu de moche de Noël. Du dollar canadien, mais bien sûr. Des bitcoins, s'il vous en reste. Donc voilà, en tout cas, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Voisin du dessous, pas un jour, pas une semaine. Enfin, qu'on parle des New York Knicks. Voilà, donc on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode. Jimmy, sauve-nous. Sauve-nous, Jimmy. Sauve-nous. Kiss, goodbye. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Pour débriefer tout ça, let's go Knicks. Ciao, ciao.